l'Ankou et le Forgeron. Légende d'Anatole Le Braz. Extrait de son ouvrage « La légende de la mort chez les Bretons », volume 1. Légende lue par Cécile Belluard. Foncar Floc était forgeron à Ploumilio. Comme c'était un artisan modèle, il avait toujours plus de travail qu'il n'en pouvait exécuter. C'est ainsi qu'une certaine veille de Noël, il dit à sa femme après le souper « Il faudra que tu ailles seul à la messe de minuit avec les enfants. Moi, je ne serai jamais prêt à t'accompagner. J'ai encore une paire de roues affairées que j'ai promis de livrer demain matin sans faute. Et lorsque j'aurai fini, c'est ma foi de mon lit que j'aurai surtout besoin. » À quoi sa femme répondit « Tâche au moins que la cloche de l'élévation ne te trouve pas encore travaillant. »« Oh, » fit-il, « à ce moment-là, j'aurai déjà la tête sur l'oreiller. » Et sur ce, il retourna à son enclume, tandis que sa femme apprêtait les enfants et s'apprêtait elle-même pour se rendre au bourg, éloignée de près d'une lieue, afin d'y entendre la messe. Le temps était clair et piquant avec un peu de givre. Quand la troupe s'ébranla, Fanck lui souhaita bien du plaisir. « Nous prierons pour toi, » dit la femme, « mais souviens-toi de ton côté de ne pas dépasser l'heure sainte. »« Non, non, tu peux être tranquille. » Il se mit à battre le fer avec ardeur, tout en sifflotant une chanson comme c'était son habitude, quand il voulait se donner du cœur à l'ouvrage. Le temps s'use vite lorsqu'on besogne ferme. Foncar Floc ne le sentit pas s'écouler. Puis, il faut croire que le bruit de son marteau sur l'enclume l'empêcha d'entendre la sonnerie lointaine des carillons de Noël, quoiqu'il ouvert tout exprès une des lucarnes de la forge. En tout cas, l'heure de l'élévation était passée qu'il travaillait encore. Tout à coup, la porte grinça sur ses gonds. Étonné, Foncar Floc demeura le marteau suspendu et regarda qui entrait. « Salut !» dit une voix stridente. « Salut !» répondit Foncar. Et il dévisagea le visiteur, mais sans réussir à distinguer ses traits que les larges bords abattus d'un chapeau de feutre rejetaient dans l'ombre. C'était un homme de haute taille, le dos un peu voûté, habillé à la mode ancienne, avec une veste à longue basque et des brais noués au-dessus du genou. Il reprit après un court silence. « J'ai vu de la lumière chez vous et je suis entré, car j'ai le plus pressant besoin de vos services. » « Sapristi, » dit Flonk, « vous tombez mal, car j'ai encore à finir de ferrer cette roue, et je ne veux pas, en bon chrétien, que la cloche de l'élévation me surprenne au travail. Ha !» fit l'homme, avec un ricanement étrange. « Il y a plus d'un quart d'heure que la cloche de l'élévation a tinté. »« Ce n'est pas Dieu possible !» s'écria le forgeron en laissant tomber son marteau. « Si fait !» répartit l'inconnu. Ainsi que vous travaillez un peu plus ou un peu moins, d'autant que ce n'est pas ce que j'ai à vous demander qui vous retardera beaucoup. Il ne s'agit que d'un clou arrivé. En parlant de la sorte, il exhiba une large faux, dont il avait jusqu'alors caché le fer derrière ses épaules, ne laissant apercevoir que le manche, que Foncar Floc avait au premier aspect pris pour un bâton. « Voyez, » continua-t-il, « elle branla un peu. Vous aurez vite fait de la consolider. » « Mon Dieu, oui, si ce n'est que cela, » répondit Fong, « je veux bien. » L'homme s'exprimait d'ailleurs d'une voix impérieuse, qui ne souffrait point de refus. Il posa lui-même le fer de la fosse sur l'enclume. « Hé, mais il en manche à rebours, votre outil !» observa le forgeron. « Le tranchant est en dehors. Quel est le maladroit qui a fait ce bel ouvrage ?»« Ne vous inquiétez pas de cela, » dit sévèrement l'homme. « Il y a faux et faux. » « Laissez celle-ci comme elle est, contentez-vous de la bien fixer. »« À votre gré, » murmura Foncar Floc, à qui le ton du personnage ne plaisait qu'à demi. Et en un tour de main, il rivait un autre clou à la place de celui qui manquait. « Maintenant, je vais vous payer, » dit l'homme. « Oh, ça ne vaut pas qu'on en parle. »« Si. Tout travail mérite salaire. Je ne vous donnerai pas d'argent, Foncar Floc. » Mais ce qui a plus de prix que l'argent et que l'or, un bon avertissement. Allez vous coucher, pensez à votre faim, et lorsque votre femme rentrera, commandez-lui de retourner au bourg vous chercher un prêtre. le travail que vous venez de faire pour moi est le dernier que vous ferez de votre vie. Quel à vous ? L'homme à la faux disparut. Déjà, Foncarflock sentait ses jambes se dérober sous lui. Il n'eut que la force de gagner son lit où sa femme le trouva sur les angoisses de la mort. « Retourne, me dit-il, me chercher un prêtre. » Au chant du coq, il rendit l'âme pour avoir forgé la faux de l'encombre. Thank you.